Bonjour, je suis heureux de lire pour vous Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau, réédité en 1968 par Garnier Flammarion, soit 200 ans après leur première parution.